Oui, c'est à toi que je m'adresse. Toi, l'enfant que je porte en moi, même si tu ne m'entends pas. Tu sais, ta mère a ses faiblesses. Puisque nul ne m'écoutera, puisqu'on est seul, écoute-moi. On n'aura pas la vie facile pour nous deux ce soir. Je vois l'avenir en noir. J'ai mis ton père à la porte. J'étais sûre que j'avais raison. Il n'y avait pas d'autre solution. Parfois, je me sens assez forte. D'autres fois, je veux l'appeler, mais j'aimerais mieux te quitter. On n'aura pas la vie facile pour nous deux ce soir. Tu verras de drôles de sourires chez tes copains et leurs parents, chez les voisins et leurs enfants. Je t'apprendrai à laisser dire. On a quand même toujours tort quand les autres sont. La vie facile pour nous deux ce soir. Je vois l'avenir en noir. Tu verras pas souvent ta mère. Il faudra gagner notre vie. Être ta mère et mon mari. J'ai tant et tant de rêves à faire. Tu me diras pendant la nuit si tu veux venir.